Chapitre 53 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 53 D'un mot de César. Si nous nous amusions parfois à nous considérer, et le temps que nous mettons à contre-rôler autrui et à connaître les choses qui sont hors de nous, que nous l'employissions à nous sonder nous-mêmes, nous sentirions aisément combien toute cette notre contexture est bâtie de pièces faibles et défaillantes. N'est-ce pas un singulier témoignage d'imperfection, ne pouvoir rasseoir notre contentement en aucune chose? Et que, par désir même et imagination, il soit hors de notre puissance de choisir ce qu'il nous faut? De quoi porte bon témoignage cette grande dispute qui a toujours été entre les philosophes pour trouver le souverain bien de l'homme, et qui dure encore et durera éternellement, sans résolution et sans accord? Dum ab est quod avemus, id ex superare videtur caetera. Post aliud, cum contigit illud, avemus, et sitis aequa tenet. Quoi que ce soit qui tombe en notre connaissance et jouissance, nous sentons qu'il ne nous satisfait pas, et allons béant après les choses à venir et inconnues, d'autant que les présentes ne nous saoulent point, non pas à mon avis qu'elles n'aient assez de quoi nous saouler, mais c'est que nous les saisissons d'une prise malade et déréglée. Nam, cum vidit hic ad victum quae flagitat usus? Omnia iam ferme mortalibus est separata. Divitiis homines, et honore, et laude potentes affluere, atque bona naturum excellere fama. Nec minus esse domi quicquam tamen anxia corda, atque animum infestis cogi servire querellis. Intellexit ibi vitium vas efficere ipsum. Omniaque, illius vitio, corrumpier intus, quae collata foris et commoda quaeque venirent. Notre appétit est irrésolu et incertain. Il ne sait rien tenir ni rien jouir de bonne façon. L'homme, estimant que ce soit le vice de ces choses qu'il tient, se remplit et se paie d'autres choses qu'il ne sait point et qu'il ne connaît point, où il applique ses désirs et ses espérances, les prend en honneur et révérence. Comme dit César, communi fit vitio naturae, ut invisis latitantibus atque incognitis rebus magis confidamus, vehementiusque exterreamur. Fin du chapitre 53.